pourquoi à chaque fois que je vais écouter la suite de cette chanson, je ne peux pas, parce que Antoine, le technicien de talent d'ici, décide de baisser le son. Sauf que là, c'est un peu fort le son. Donc, est-ce que tu peux le rebaisser un tout petit peu, Antoine ? Merci. Talent d'ici démarre pour cette semaine avec une jeune femme qui est venue déjà deux fois, je crois, précédemment, c'est ça ? Non, une seule fois, l'année dernière, oui. J'ai l'impression que je te connais depuis plus longtemps. C'était il y a pratiquement un an, effectivement, dans mon Facebook, c'est marqué il y a un an, la photo, il y avait Mira Setti. Et JP, je crois, c'est ça, non ? Non, j'étais avec Simon. Ah, Simon, pardon. Un batteur. Batteur très velu au niveau de la barbe. Non, c'était bizarre, il y avait Mira et le Yeti à côté. Oh. Je plaisante. Alors, ça veut dire que tu viens aujourd'hui, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu depuis que tu viens, avec un premier album, puisqu'il y a eu deux EP au trois préalable. Trois EP même. Trois EP ? Oui. Trois EP, mais ça a commencé quand ? Alors, le premier EP. Tout a commencé en 2014, fin 2014. J'avais déjà, bien sûr, des démos et le projet de travailler mon projet solo, quoi, d'avancer là-dessus. Et en fait, fin 2014, j'ai eu l'occasion de passer en première partie d'Émilie Simon à la suite d'un concours. C'était à la laiterie à Strasbourg et ça s'est super bien passé, malgré le fait que je n'étais pas du tout prête. Enfin, j'étais pas prête niveau matos et tout, mais bon, on m'a prêté des trucs, j'ai fait voilà mes séquences, mes machins, et puis ça s'est super bien passé et ça m'a motivée pour lancer vraiment ce projet, alors que j'avais des groupes avant, que j'ai toujours d'ailleurs pour la plupart, mais ce truc en solo, ça faisait longtemps que j'en avais envie, et là je me suis dit allez, j'y vais, et à partir de 2015 j'ai commencé à sortir trois EP qui font partie d'une trilogie. Ouais, et avec des noms en rapport avec la voûte céleste, c'est ça ? Tout à fait. Pourquoi ? Ils ont des noms de constellations. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà la voûte étoilée m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai choisi un nom d'étoile comme nom de scène, puisque Mira Setti, c'est au départ le nom d'une étoile. Mm-hmm. Mira dans la constellation Cetus ou Setti. Et donc, j'ai décidé que ce soit. Comment dire, que les étoiles et la mythologie et tout ce qui peut, tout l'imaginaire qui peut découler de la voûte céleste serait mon fil rouge. Même si finalement je parle de choses parfois très terre à terre, mais toujours avec ce prisme très poétique. Ce décalage. Premier EP, il s'appelait comment ? Alors le premier c'était Orion, le deuxième Persée, et le dernier Cetus. Et là, c'est tombe Caillou et Météore. Alors là, c'est mon premier album, c'est Caillou et Météore. C'est plus terrestre. Et ça veut dire qu'il y aura toujours des noms un petit peu particuliers pour les futurs si bah ça, si j'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas. Ça s'est passé très vite pour ce premier album et j'avais pas prévu forcément de sortir quelque chose qui s'appellerait comme ça. Donc ça vient. Je me laisse quand même porter par mes intuitions. Mais ça fait sur mal le moment. Les cailloux et des météores. les météores justement ont la particularité de ne pas tomber puisque sinon ce sont des météorites. Donc ça ne fait pas forcément mal. C'est joli. Ça fait même du bien aux yeux parce que c'est très joli. C'est les étoiles filantes. Tout à fait. Tout à fait. Juste une question. Enfin, c'est pas une question que je voudrais pour le plaisir, parce que il y a des chanteuses comme ça qui sont passées dans ma vie, j'allais dire musicale. Je sais qu'avec ton papa, tu jouais au tout début et tu interprétais du Fiona Apple. Oui, tout à fait. Et j'aimerais que tu me fasses a cappella un petit peu. Ah bah je sais, c'est pas programmé. Juste, mais 10 secondes. 10 secondes. Shadow Boxer, est-ce que tu peux la faire? Wow, mais je connais pas. Ah, je vais faire du yaourt. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que les gens connaissent. Où est-ce que ton Shadow qu'on fait, on passe... Boxer, baby, I wanna be ready for what you do. Non, non, non, non, non, non, non, non, to make your move. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fiona Apple, elle était très bien et puis apparemment elle a pris un peu la grosse tête, je crois. Ah bon ? Oui, ah puis non, elle produit plus. En tout cas, elle J'ai pas l'impression qu'elle ait pris la grosse tête. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle a pris du recul par rapport au Star System. Parce qu'elle a commencé très très jeune et puis en fait, elle a un esprit. Trop punk pour ce côté formaté, la belle, la jolie fille qui chante ses chansons et tout. Elle a quand même quelque chose de très rock et tout. Et puis aussi un fond un peu dépressif, il faut bien le dire. Ça, oui. Et j'ai l'impression, parce que je suis toujours son actualité, j'ai l'impression qu'elle a pris beaucoup de recul par rapport quoi, à tout ça. Apparemment, elle fait toujours des concerts, parfois des featuring, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'elle n'a rien produit sous son nom pour l'instant depuis longtemps. Moi, elle me fait penser à un musicien qui est passé il y a beaucoup plus de temps encore, 87 et qui a pas pu rebondir après, c'était Terence Ren D'Arby qui avait fait un super album. Et puis après, il a ramé, en tout cas, il a fait des choses un petit peu particulières et ce n'est plus passé au niveau du. Ouais, c'est vrai que je sais pas du tout. Du grand public. On peut le trouver où cet album? Eh bien, à partir. Alors, il sortira. Oui. Il sort à la fin du mois de janvier. Il sort le 31 janvier. D'accord. Et donc, on pourra le trouver dans tous les bons disquaires et, sur les plateformes et puis surtout au concert. Effectivement, on va parler des concerts un petit peu plus tard et de ce qui s'est passé cet été. Le premier titre que l'on va écouter s'appelle La Source. C'est d'ailleurs la première chanson de l'album, c'est ça? Tout à fait. C'est parti. Si tu as perdu la trace du soleil au-dessus des villes, étouffé de sommeil, si tu as perdu en toi la boussole qui donne le nord, surtout ne t'affole, écoute la douce mélodie de la source silencieuse et suis ce chemin joli qui court vers une journée radieuse. Si tu as perdu le courage d'avancer à travers les ombres que les hommes ont tissées, si la peur t'envahit mais là en sourdine dans l'éclat de la nuit, écoute les ondines qui chantent le gentil refrain de la source mélodieuse. Oublie la langue des humains et cours vers la mer mystérieuse. Talents d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Alors pour ceux qui veulent toutes les radios, c'est marqué sur les superbes photos prises par Antoine avec son appareil magique sur la page Talents d'ici. Et puis l'émission est podcastée, il faut bien le dire, parce que si vous avez des amis un petit peu loin, ils ne peuvent pas tomber sur la fréquence d'RCF et des autres radios. Magnifique photo à l'intérieur. Alors celle-ci est très... actrice italienne un petit peu, un côté je suis au bord de l'eau presque. Mais c'était où d'ailleurs ces photos à l'intérieur? Alors c'est dans la carrière de Jaumont. C'est où Jaumont? C'est en Moselle? Oui, c'est en Moselle. C'est la carrière de, enfin c'est de cette carrière que sont tirées les, qu'ont été tirées les pierres de qui ont construit la, qui ont servi à construire la cathédrale de Metz entre autres. Mm-hmm. C'est une pierre qui est jaune. Ocre, jaune, ouais, voilà. Jaune comme ça. Il n'y a pas que la cathédrale qui est comme ça. Il y a la gare, il y a toute la ville quasiment de Metz. Et puis en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir cet aspect désertique, mm-hmm. très caillouteux forcément. Et puis aussi, justement, on en discutait tout à l'heure, un petit peu planète. On ne sait pas trop sur quelle planète je me trouve. D'accord. Voilà. Sinon, ça va? Oui, très très bien. Tu t'en sors à peu près bien. Oui. Bon. Mais alors, il s'est passé quelque chose de magique. Comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs mois avant la signature avec un... C'est pas un nouveau label, c'est le premier label. Tout était autoproduit avant, avec les EP. Oui, l'an c'est dernier, ça. Comment ça s'est passé? Alors, 2019 a été très, très riche en ce qui me concerne. Après ta venue, en fait, ici. Oui, voilà. Il y a eu, tout a déclenché. Vous m'avez porté chance. Ouais, exactement. les grandes lignes, j'ai rencontré une boîte de production nancéenne, tout s'est passé à Nancy, qui s'appelle Bab Up. Ouais, qu'on connaît. Et on a décidé de collaborer. Enfin, ils m'ont dit qu'ils me fileraient un coup de main pour trouver des concerts, ce genre de choses. Et puis, ils ont rencontré, eux, le label Ardisto. Et avec l'équipe du label, ils ont parlé de moi. Je ne sais pas, enfin, il y a eu tout un, je sais pas, une cuisine interne. Et finalement, on m'a proposé de faire un concert, de faire la première partie de Ange à la salle Poirel. Ce que j'ai fait. Et ça s'est bien passé. Et de là a découlé, enfin, ça, on a discuté de tout ça déjà avant, mais ensuite la décision a été prise que je parte avec eux en tournée à partir de 2020, donc à partir de dans deux semaines, là, à peu près, un peu plus. Et donc je vais suivre le groupe Ange toute l'année qui vient. Ils m'ont proposé ça, j'ai dit oui, bien sûr. D'accord. Et puis ils m'ont dit bon, bah, la condition c'est quand même que tu fasses un album. Comme ça, on pourra promouvoir l'album en même temps que la tournée, quoi. Et donc ça s'est fait au printemps. La décision a été prise au printemps et donc j'ai eu que cet été que 2 mois. Je dis que parce que il y a eu beaucoup de choses à faire, mais en même temps c'était génial parce que je me suis concentrée totalement là-dessus. Et ce que j'avais jamais fait, c'est pas que je me concentrais pas, mais disons qu'avant, quand j'avais une chanson qui arrivait, je l'enregistrais, je travaillais quelques jours dessus, parfois un peu plus longtemps ou j'en sais rien, mais je prenais vraiment mon temps puisque j'avais personne derrière qui me fixait des dates. Et ça avait une certaine liberté, mais là ça a permis finalement de... Je ne me suis pas du tout censurée. Il y a des choses qui sont arrivées comme ça. Peut-être que je n'aurais pas du tout écrit comme de la même manière. Comme des météorites. Exactement. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça aussi. Parce que c'est un peu arrivé dans mon ciel. Bah oui. Et oui, oui. Et bon. Donc, j'ai composé bien plus de chansons qu'il y a sur l'album. Mais après, il y a un réalisateur. Ça aussi, c'était une expérience différente. Puisque je n'avais jamais travaillé avec un réal. Qui m'a dit, ça c'est intéressant, ça c'est pas bien, ça c'est pas mal, mais à retravailler, bref. Et il m'a aidé à trouver une direction aussi. Donc tout ça c'était très spontané. Et voilà, et en quelques mois, même pas en 9 mois, par rapport à une vraie gestation, donc en quelques mois à peine, le produit était fini et j'en suis Et en plus, dans l'année, tu t'es mariée, tu as divorcé, tu as 3 enfants. Oui, c'est ça. Ah, il s'en est passé des choses. C'est fou, ça. Cet album dans les concerts, alors je pense qu'il va s'arracher comme des petits pains là, faire des concerts, parce qu'il y a des gens qui vont dire ce son-là, je veux l'écouter chez moi. Non, parce que c'est pas atypique et en même temps, c'est atypique, mais enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, il y a quelque chose de... On retient un univers assez spécial qui nous entraîne. Ouais, mais j'espère. Donc, j'espère aussi. Et la preuve, c'est que vous écoutez régulièrement des titres de Miracetti dans la programmation, en fait. Par exemple, La Source, je crois qu'elle va... Non, c'est pas La Source. Si. Ah, je vois qu'Anton fait le chien à l'arrière des voitures. Donc ça marche comme ça. On va s'écouter le deuxième titre, toujours tiré de l'album, c'est ça ? Elle sera nue. Oui. Avec Christian Descamps, le chanteur de Ange. Tout à fait. Pour rappel, Ange, c'est quand même un groupe qui était là déjà dans les années 70. Oui, ben, ils vont fêter leurs 50 ans, là, cette année. Elle sera nue, Miracetti, dans Talent d'ici. Elle sera nue. Elle sera nue. Elle sera nue, leur guerre. Elle sera nucléaire, elle sera bombe, elle sera belle, elle sera bonne joueuse, elle sera belliqueuse, il sera bon, il sera bon. Il sera bien monté, il sera bombardier. Nous serons loups, nous serons loups, nous serons. sont beaux joueurs. D'ici avec David Ménard. Moi, je serais Antoine, je n'aurais pas mis de virgule. Mettre une virgule après ce qu'on vient d'écouter, c'est un sacrilège. Antoine, carton jaune. Ah, ça fait du bien. Cet album qui est composé musicalement, ce qu'on entend, la fine musique qui coule derrière, c'est des musiciens donc, que tu as eu grâce au label ou c'est toi qui fais tout ? Non, alors en fait, on est trois. D'accord. C'est-à-dire le réal. Laurent Lepagnot, qui a fait certains arrangements, parfois tout seul ou parfois avec moi, ou parfois avec le troisième musicien qui est QSB, son nom de scène, oui. C'est QSB, Quentin S. Borington, qui est donc le troisième larron avec qui j'avais déjà fait des arrangements pour Cetus et Percé auparavant. Donc un ami très proche avec qui j'aime beaucoup travailler. Et donc j'avais demandé au label, voilà, moi je suis presque solo, c'est-à-dire que sur scène je suis seule. Quoique en même temps, QSB va peut-être m'accompagner sur scène, il va m'accompagner le 30 janvier pour être précise, mais peut-être sur des dates futures. Bon, c'est une autre histoire. Mais, en tout cas, pour les arrangements, on a travaillé. Cet été, QSB et moi, parfois lui tout seul dans un coin pour les arrangements. Je parle des compositions, c'est les miennes, mais enfin, c'est une longue histoire. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ça dépend des chansons, finalement. Il y a des chansons qu'on a co-composées, co-arrangées, d'autres que j'ai composées et arrangées toutes seules. Parfois, j'ai composé, il a arrangé, et parfois, c'est Laurent qui a arrangé des compos à moi. Et tout à l'heure, quand, en gros, voilà, quand tu vas jouer tout à l'heure en live, il y a quoi ? Il y a guitare ? Alors, guitare électrique, ouais. voix et effet, enfin avec des machines, et puis mon ordinateur, mon fidèle ordinateur avec qui j'ai composé la majorité des chansons et surtout les arrangements. Quoi. Parce que la tournée, tu vas être toute seule sur scène. Oui, voilà, c'est ça. Sauf quand QSB. Ce sera le 30, c'est quoi ? C'est la release ? Alors, le 30, justement, c'est un jour important. Là, c'est la release party, c'est-à-dire le soir de la sortie. On va fêter, la veille du moins de la sortie, on va fêter cette sortie à Paris, dans une super salle qui s'appelle Les Trois Baudets. Oui, le théâtre des Trois Baudets. Voilà, c'est ça. Et c'est du comique troupier à la base. Enfin, je ne veux pas dire que tu fais du comique troupier, mais je sais c'est pas. Non, en général, c'est des chansonniers, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, oui. Traditionnellement. Comme les théâtres des deux ânes. En fait, c'est toujours une salle dédiée à la chanson, mais la chanson a pris des formes très. Enfin, voilà, a suivi le courant des musiques actuelles, donc Mais d'accord. Ça reste chanson, bien sûr. Et donc, je serai accompagnée de, pour l'occasion, de QSB, donc, qui fera la basse et certains claviers sur scène. Mais pour le restant de la tournée, pour l'instant en tout cas, je vais être seule. Et puis, s'il y a des dates pour Miracetti, pour moi toute seule, sans Ange, il y en a pour l'instant. Ah, sans Ange. Sans Ange, voilà, il y en a... Hop, je pas encore feuille. Beaucoup, mais quand il y aura... enfin, on ne sait pas encore, je vais voir comment ça se danse pour la suite, non, s'il y aura des musiciens ou pas. Il y a des dates, par contre, où tu seras toute seule à la BAM. À la BAM, oui, en première partie de Ange, ouais, le 7 février. Alors ça, c'est le 7 février. Je ne vois rien, je suis désolé. Hein. Tanzmatten. Tanzmatten. Oui, les Tanzmatten. C'est les Stas, c'est en Alsace. Voilà, en Alsace. En Alsace. Le lendemain, ouais, le 8 chez février. Chez Paulette. Et chez Paulette, le 9 février. Toujours en première partie de Ange. D'accord. Donc il y a déjà des dates, on les retrouve sur le site. Ouais, sur mon site. C'est toi qui fais aussi le site ou t'as quelqu'un qui... Alors on est deux, mais au départ oui, j'étais toute seule à le faire. Enfin non, à chaque fois je dis oui, mais non, je suis jamais toute seule. On n'est jamais tout seul parce que je suis pas webmaster non plus. mais un copain a fait, c'est-à-dire la structure et moi je l'alimente. Donc, quand quelqu'un m'envoie un message sur ce site, normalement, ça va directement chez moi, enfin même, c'est sûr. Mais depuis que j'ai une équipe avec le label et tout, j'ai quand même, y a quand même des personnes qui m'aident à le mettre à jour, pour être une tout question, à fait précise. Si je suis en concert, je viens te voir. Si je n'ai pas les trois EP précédents, tu les as aussi à la fin des concerts ou pas? Oui, j'ai tout avec moi. Tout ce que j'ai pu faire avant. Ouais. Bah c'est génial, ça. C'est impeccable. QSB, tu l'as dit. Ouais. Mais 1856, c'est ça? Alors, 1856, c'est un autre projet. Ça se dit comme ça ou pas? Oui, tout d'accord. À fait. 1856, c'est le projet d'un artiste de Nancy qui s'appelle A-Alex, A-A-L-E-H-X. D'accord. Qui est un artiste qui a de nombreux talents. Il est dessinateur, il est compositeur, chanteur et il a créé... Alors, il a créé un concept intéressant qui s'appelle les BD concerts. Donc, depuis quelques années, il présente sur scène les BO, d'une certaine manière, de BD qui sont projetés. D'accord. C'est difficile à expliquer comme ça, mais qui voilà, c'est très beau. Et là, il a continué l'expérience, mais cette fois-ci avec un groupe, avec des musiciens dont je fais partie. Je fais de la basse et des chœurs. Il y a le duo Becky and Cloud avec nous, c'est-à-dire Rebecca Noël au piano et au chœur et Julien Destange à la guitare et au chœur. Et donc Alex, Becky and Cloud et moi-même, nous sommes sur scène pour faire la BO en live d'un film qui se déroule en même temps. Qui se déroule en même temps, mais c'est assez particulier. C'est une sorte de film d'animation. Non, il improvise pas, c'est prévu. Non, c'est pas improvisé. Hein, tout est millimétré même au niveau du timing et tout ça. Et voilà, en fait, c'est un voyage dans du microcosme au macrocosme. C'est comme un zoom gigantesque de l'intérieur des cellules, même des atomes et tout ça, jusqu'aux confins de l'univers. Et ce voyage-là, donc c'est très contemplatif, mais ce qui est chouette, c'est que dans ce voyage, on croise des personnages sur des planètes et tout, donc on peut se faire toute une histoire. Et il y a cette musique très, on dit trip rock, électro rock, un peu à la Radiohead pour accompagner cet univers. Tu dis un mot magique là. Oui, je sais. Radiohead, on tu vous t'en aime. Souviens. c'est magnifique. On va s'écouter un troisième titre avant le live. Alors Terra Deli, c'est quoi le changement de ton de Terra Deli par rapport aux autres? Non, alors c'est difficile à dire pour moi parce que tout est dans la continuité, mais je dirais que celle-ci, elle a un côté plus glacial. Mm-hmm. C'est facile. Terra Deli, c'est le nom d'une région en Antarctique. Alors, l'Antarctique, c'est en haut. C'est en bas. Raté. D'un côté, il y a les manchots, il y a les pingouins de l'autre. Voilà, c'est ça, c'est là où il y a les manchots. D'accord. Et il fait très, très, très, très froid. Et en tout cas, on a essayé de trouver un son assez glacé. Mais sans que ce soit non plus froid à écouter, enfin qui est ce mélange, un côté plein d'amour et en même temps plein de froidure. D'accord. Voilà. Terra Deli, Miracetti, Talent d'ici. J'ai bien peur de ne jamais te voir. Tu sais ce que ça me rappelle, Mira Setti avec deux i? Non. Ce qu'on vient d'entendre, je t'en parlais hors micro il y a un instant, oui. Ça me rappelle Kate Bush. Ah, ben merci, ça me fait super plaisir. Et elle tourne encore, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Kate Bush. Dans les années 80, c'était Babouchka. Oui. Oh, non, j'y arrive pas. Babouchka, babouchka, babouchka, oui, yeah, yeah. Puis il y avait les hauts de Hurlevent. Oui, It's great, it's me, I'm Cali, I'm gone, night. Non, non, je ne sais plus ce qu'elle dit. Puis je crois qu'elle a eu une aventure, je ne suis pas sûr, mais avec Peter Gabriel, je ne suis pas sûr. Ah oui, don't give up, because you have a friend. Voilà, si vous avez de l'argent, vous l'envoyez à RCF, et puis on met ça dans la tirelire qui sert à Mira pour ses concerts, et elle nous chante une chanson. Il va falloir que je révise mes classiques quand même. Oui, alors est-ce que tu peux nous chanter du Félix Gray? Ah ouais, alors on a non. Voilà, et il faut qu'il arrête de chanter, Félix Gray. Magnifique album, moi je l'ai entre les mains, il est... mais c'est fou parce que... Ah, t'as les cheveux attachés aujourd'hui. Oui, c'est pour ça. Je vais me les détacher tout à l'heure, attention. Oh, il faut que je reste alors. C'est vrai que c'est assez étonnant, ça te change complètement le... Oui, c'est le vent qui m'a coiffé là, effectivement. Je suis très décoiffée sur cette photo. Mais ça a l'air de bien plaire. Bah, je crois bien, oui, effectivement. C'est marrant parce qu'effectivement, vous verrez sur la pochette quand vous achèterez le CD, quand vous le verrez, il y a Mira Setti, c'est le logo qui est tenu dans tes mains. Alors, j'ai un cube en pierre dans mes mains. Un vrai cube en pierre. Et dessus, bah, tu le vois au dos. Ah, voilà. C'est là, d'accord. Et dessus, on a mis le logo de Mira Setti. Donc, 11 titres. J'ai une question à la con, ça coûte combien? Pour l'album? Non, l'album, il coûte combien? Ah, si il coûte combien? Ah, ben, c'est une très bonne question. Tu sais pas? Eh ben non. en fait. Je ne sais pas encore. Puisque gratuit, là, c'est, pour une fois, ce n'est pas moi qui fixe les prix, donc je ne sais pas. Mon vieux boulot d'animateur événementiel, pendant 15 minutes, c'est gratuit. Alors, il y a des possibilités de te voir en concert, il y a des possibilités de t'écouter aujourd'hui, et puis d'écouter tes EP et ton album. Et là, ce que tu vas jouer, tu les as déjà joués en live, en concert, oui? J'ai fait un concert privé. D'accord. Pour l'instant, pour me c'est roder quoi, un petit peu. Privé ben, c'est un concert privé. Dans un c'est appartement un concert privé. Oui, c'était en appartement, voilà. C'est vrai, c'est un bien plus. C'est une méthode qui est de plus en plus développée. Ça s'est super bien passé, ouais. Vraiment, je savais pas trop parce que il y a une proximité avec les gens qui fait qu'on a du mal à savoir s'ils sont pris dans la chanson ou s'ils pensent à autre chose, parce qu'on les voit, on voit vraiment les visages et j'ai eu du mal à lire sur les visages s'ils étaient contents ou pas. Mmh. Et au final, à la fin, ça s'est très bien passé, à tel point qu'ils m'ont demandé, en gros, chacun m'a redemandé sa chanson préférée et au final, j'ai refait tout le set. Donc tu es payé deux fois. C'était pas forcément payé, c'était vraiment pour me roder. C'était un appart ou une maison ? C'était en appartement. Oui, en appartement. Et les voisins Les voisins étaient invités. Ah bah oui, tant qu'à faire, vaut mieux dans ces cas-là. T'invite, c'est le message très facile à faire après. Nous t'invitons à venir t'installer juste derrière la table où nous discutons pour le live. Quelques réglages et puis c'est parti pour le live de Mira Setti dans Talent d'ici. La scène musicale bouge dans le Grand Est avec Talent d'ici. Partout, Mila. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. C'est toi le dieu qui choisit, comme tu adores jouer à ça. Amstramgram, avant c'était le tour d'une étrange fille, puis tout le monde la regretta. Plouf, plouf, plouf, le déluge après moi ne m'attrapera pas. Je suis cachée dans la maison. Pique-nique douille, l'andouille est celui qui montre du doigt. Si on jouait à saute-mouton, on viendra pas en parachute doré. Ton bras ne tombera pas à pic pour nous sauver. Sera-t-il noir ou femme? Sera-t-il homme ou blanc? C'est celui qui est. Seulement si le Messie affectionne de clamer qu'il m'aime le suivre. Amstramdram, avant que l'on soit tous frappés par la grâce, sonnés par la vérité folle. L'âme cramdram, faudrait tâcher de laisser une jolie trace, comme le café son auréole. D'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Ça fait 9 ans, 9 ans que c'est le même jingle. J'en ai marre, 9 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Non, on continue. Allez, vous n'hésitez pas, vous envoyez des mails et on continue l'émission jusqu'à Ad vitam aeternam. Miracetti avec deux premiers titres qui s'appellent Les Nénuphars et Paramécie dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des thèmes précis? Par exemple, dans Les Nénuphars, il y a un thème particulier ou pas? Alors ou oui, oui, bien sûr, Les Nénuphars, ça parle de la mémoire. Mmh. Et... particulièrement de ce que j'ai, enfin, mon interprétation poétisée de ce que peut vivre quelqu'un qui peut-être a Alzheimer ou, ou voilà. Bon, j'ai pas l'expérience, moi personnellement, d'avoir rencontré des gens, proche de moi, enfin pas dans ma famille en tout cas pour l'instant non plus, mais c'est quelque chose que je trouve assez assez troublant, quoi. J'imagine que si on se voit perdre la mémoire, ça doit... Donc, j'ai écrit cette chanson... Je crois qu'il ne se voit pas perdre la mémoire. Ben, il paraît que si ça arrive assez tôt, ça peut arriver à des adultes relativement jeunes, quand même. Parfois, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Mm-hmm. Et donc, ça parle de ça, finalement, du fait que quelqu'un... Je me suis aussi inspirée du film « Se souvenir des belles choses », 2006, je crois. Qui est magnifique. Et avec Isabelle Carré et l'acteur des... Bernard Campan, voilà. Tout à fait. Et puis, en fait, il lui écrit tout plein de choses sur des petits post-it. Et c'est comme des petits poèmes. Et dans ma chanson, on écrit « On sème des cailloux pour pas se perdre et on sème des petits haïkus. » Haïkus, cailloux, des petits haïkus, des petits mémos, finalement, pour pas se perdre non plus dans sa propre histoire. Et donc, ça parle de ça. Il y a un documentaire magnifique d'un papa qui a fait ça de sa mère, qui s'appelle Flore, où à un moment, il la met dans une institution et on entend des cris d'une violence des autres personnes qui sont dans les pièces à côté, qui n'ont plus la mémoire non plus. Et donc, il décide de la ramener chez lui et de lui payer une... Tu le mettras, ça, ou pas? Pourquoi pas? Non, je m'enfonce, tu crois? On ne retiendra pas. Ça s'appelle Flore. Flore, d'accord. Tu retiendras. Paramécie, moi, je vois bien parachute. parachute, c'est pour éviter la chute. Paramécie, c'est pour éviter le Messie. C'est Antoine qui me l'a soufflé, donc. C'est pas forcément l'anti-Messie. C'est... Le questionnement. Bon, déjà, au départ, c'était simplement pour faire un parallèle avec l'animal ou la créature unicellulaire qui s'appelle la paramécie. Je me disais que le monde est quand même mal barré. On entend parler tout le temps. C'est un peu effrayant tout ça. Et parfois, je me dis... Si certaines religions ont raison, en imaginant que certaines ont raison, parce qu'elles ont toutes leur messie, soit il est déjà venu, soit il va venir, soit il va revenir, enfin on ne sait jamais trop. Je trouve ça un peu grotesque au bout d'un moment. Et donc je me dis, qui va être le prochain messie? Parce qu'il y a aussi des gens actuels qui se proclament messie, ou d'autres qui sont proclamés messie comme... la pauvre Greta Thunberg qui a été critiquée, tout le monde disait elle se prend pour qui, pour le nouveau Messie, je sais pas quoi. Et donc en gros c'est cette chanson, j'essaye en tout cas de mettre de l'autodérision là-dedans. Parce que finalement, on attend le Messie, mais en même temps, personne n'a vraiment envie d'endosser cette responsabilité. Si ça se trouve, nous sommes tous, nous avons tous une part de divin. Et de... oui, c'est vrai. Il y a un joueur de foot qui s'appelle Messie. Eh ben voilà. Mais non, on l'a trouvé. C'était peut-être pas le bon. Tu parlais aussi de l'agriculture et de l'écologie en général. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe au Brésil où on tue maintenant les Indiens pour prendre leur place Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça ignoble, tout simplement. Je peux même pas faire une blague là-dessus, c'est horrible. Mais comment peut-on faire pour éliminer ce personnage, ce président qui... Non mais il tire, tu couperas aussi, mais c'est bien d'en parler aussi, c'est important. Donc, parce que c'est dingue. Non, ça fait moins de temps que ça. Il y a 6 mois, il n'était pas élu. D'accord, merci. Donc Paramécie, on vient de les écouter il y a quelques instants. Une question comme ça, si le papa... n'était jamais venu écouter et mettre une oreille sur la porte pour entendre sa fille chanter. Qu'est-ce qui serait passé? C'est une très bonne question parce que j'étais très très timide et si ça se trouve, je sais pas, à vrai dire. Tu avais quel âge? 12-13 ans, d'accord. Quelque chose comme ça. Et je chantais que quand je me croyais seule à la maison. Et puis il m'a surprise. Ensuite, il a été, je pense, assez... comment dire, il est venu vraiment en douceur, il m'a rien imposé, il m'a juste proposé, il m'a dit tiens, je t'ai entendu chanter, ah bon, tu m'as entendu, ouais, c'est pas trop mal, c'était pas du tout... Aujourd'hui, il y a des jeunes, on entend des jeunes à la télé ou dans des émissions, ils ont tous des voix de ouf, c'était pas forcément ça, je pense qu'il a été touché par une forme de sensibilité, c'était pas j'ai une diva à la maison, mais en tout cas, je reprenais plein de choses qu'il écoutait lui, je sais pas, les Stones, Led Zepp, des choses comme ça, ou Jean-Louis Aubert aussi, c'était mes premières amours musicales de chansons françaises. Et puis donc il m'a amené tout doucement à faire des reprises, et c'est comme ça que j'ai appris à chanter et à faire de la musique. C'est fou parce que d'habitude c'est l'inverse, le père dit tu passes ton bac et puis après on verra. Ah bah oui, non, mais là c'était totalement... Ils m'ont vraiment, mes parents m'ont laissé libre toujours. Et je leur en suis très reconnaissante aujourd'hui. Comment il s'appelle le papa ? Il s'appelle Francis. Francis. Le Franz. Il y a encore des gens qui s'appellent Francis, c'est terrible. Merci Francis de nous permettre d'avoir une superbe émission aujourd'hui. Deux prochains titres qui font aussi partie de l'album. Amour squelette, on parlera tout à l'heure de la définition de ce qu'est un amour squelette. Et Caillou et Météore, c'est le titre éponyme de l'album qui sort ce 31 janvier et que vous pouvez vous approprier aussi bien sur le site... Hein, oui. Qui existe. Il y a une page Facebook, je présume. Oui, tout à fait. On en parle, on l'a écouté de titre et on reparle des pages Facebook et de tout ça. Ça s'appelle, elle s'appelle, elle est avec nous aujourd'hui. Elle est avec nous aujourd'hui, Mira Setti. Bravo, bravo, bravo. Non, Mira, tu vas t'installer. Je ne suis pas Michel Drucker. Amour squelette et Caillou et Météore. C'est parti dans Talent d'ici, Mira Setti. Jusqu'à toi, sur l'escalier de tes vertèbres, sous tes ailes sans plumes belles, omoplates lisses, je dors en attendant la nuit, je rapetisse sur toi, puis je me hisse encore plus haut. J'aime regarder la blancheur fantomatique de tes os, l'échafaudage fragile et dense qui me tient debout pour la danse. Car je t'aime jusqu'à l'os, je ne sais pas qui ronge ce qui me ronge, l'amour ou moi, l'amour ou toi, je ronge l'amour qui me ronge. Grand Dieu, comme ton grand dos s'allonge, je marche sur l'escalier de tes vertèbres, j'avance et m'élève dans les ténèbres de ton ombre imposante. Et dans l'escalier de pierre d'Abraxas, j'ai décidé de découvrir ton atlas. J'embrasse du regard le chemin parcouru, je ne peux revenir en arrière. Le vertige me glace, l'ascension est fatale. Je revois mon itinéraire en creusant sous ta chair. Oh mon amour colosse, je te ronge jusqu'à l'os. Après moi, il n'y aura que la mort requête pour aimer ton squelette. À l'ombre des lombaires, je pense aux fossiles, aux dinosaures, aux jurassiques, aux grands prédateurs d'argile et de calcaire. S'est ouvert, j'ai grimpé un million d'escaliers écorchés. À force de t'aimer, nous danserons sur l'éternelle nuit, la danse macabre, la danse cadavre, d'ivoire et de nacre, de sel et de cire, mon roi. Je grimpe dans ce couloir, l'escalier colossal, pente verticale des cervicales, la place, puis enfin le crâne austère, ta planète nue et minérale. Par-dessus ton regard, vers le même horizon, je découvre le bord de ton univers. La vertige me surpasse, je glisse sur ton front, je fais presque découvert. Et il me faut encore soulever le ciel. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Talent d'ici, avec David Ménard. Qu'est-ce qu'elle le dit bien ? David reçoit Mira, Ménard reçoit Seti avec deux I. Alors, il faut rappeler que Mira Seti, c'est une étoile, c'est une constellation, c'est ça ? C'est une étoile. Mira, c'est une étoile dans la constellation Seti avec un I. Et Mira Seti avec deux I, c'est une chanteuse. Que nous avons dans notre studio aujourd'hui. Amour squelette, qu'est-ce qui se passe dans vos amours, franchement ? Vous en parlez, vous voyez un psy ou pas ? Non, mais je devrais peut-être. Ouais, je pense. Non, on ne peut pas en parler, la chanson ? Bah, si, mais après, vous risquez d'être déçu, parce que finalement, c'est simplement parce que je trouvais que... Comment dire ? Que ça faisait... que ça sonnait bien. De faire ce, comment dire, sans trop choquer les mots escalier, vertèbre, monter l'escalier de tes vertèbres, et puis à partir de ça, monter l'escalier de tes vertèbres, ben j'en ai fait une chanson sur un amour qui va jusqu'à la mort, même après la mort. Même la mort est inquiète, parce que jusqu'à j'aimerais ton squelette bien après la mort. Voilà ce que je raconte. Donc il n'y aura pas d'enterrement là. Si le squelette reste... Non, mais c'est intéressant comme définition. Caillou et Météore, c'est principalement parce que c'est la chanson phare de l'album. Elle sortira pour des radios, cette chanson, ou pas? Ce sera laquelle? Est-ce qu'il y en a une de... Non, pour l'instant, les deux qu'on veut mettre en avant, c'est La Source, ouais, et Paramécie. La première qu'on a écoutée, et Paramécie. Et Paramécie, voilà. D'accord. Mais bon, peut-être que Caillou et Météore sera mise en avant à un moment donné, peut-être pour un clip, enfin, tout est possible. Moi, il est magnifique cet album. Il est déjà physiquement, il est parfait. Ce qu'il y a dedans, vous l'avez écouté. On a écouté 4 titres live et auparavant, il y avait plusieurs 3 titres qui faisaient partie aussi de l'album. Il y a 11 titres, hein, c'est ça. Oui. Donc le reste, je vous invite à venir le découvrir. Donc la page Mira Setti existe aussi sur Facebook. Sur Facebook, oui. Avec sur le Insta. Rappel des dates, sur Instagram aussi. Ouais, et puis j'ai un site mirasetti.fr où il y a toutes les dates, toutes les actualités, les clips et toutes les dates de la tournée avec Ange. Non, je le dis, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est un moment magique. Tu étais venu accompagner la dernière fois. Oui. Avec un style un peu yéyé, pas yéyé, mais si, tu avais un habillement, je me souviens très... Woodstock, un petit peu. Ah oui, j'avais une longue jupe et un haut à paillettes. Oui. Voilà, c'était un peu ce style-là. Là, ça a changé complètement. Bah, j'ai toujours un haut à paillettes, ceci dit. Oui. Mais j'ai un pantalon, cette fois-ci. Ah oui, tu ne l'avais pas. Mira Setti, avec cet album qui s'appelle Caillou et Météore. Et puis, je vous invite à prendre d'office aussi les EP qui sont sortis. Lors des prochains concerts, il y aura des dates supplémentaires et la tournée avec Ange. Merci Antoine, applaudissements pour Antoine, merci. Merci Antoine, bravo. Merci. Merci aux auditeurs, l'émission est podcastée et on se retrouve la semaine prochaine avec qui je ne sais pas, vous verrez bien. Talent d'ici, c'est terminé, bye bye. Continue.